1936, observation. D'une façon ou d'une autre, adverbe. D'une façon générale, on fait des langues étrangères au lycée. Généralement, on fait des langues étrangères au lycée. En France, on fait du français. C'est naturel. C'est évident. En France, on fait du français, naturellement. Évidemment. On fait des maths, c'est obligatoire. On fait des maths obligatoirement. Mireille a été obligée de faire des maths, mais elle trouve ça malheureux. Elle a été obligée de faire des maths, malheureusement. Elle n'a pas raté son bac, c'est heureux. Elle a eu son bac, heureusement. Au lycée, on fait un travail énorme. Au lycée, on travaille énormément. Notez que les mots soulignés dans la première colonne donnent une information sur un nom, un travail énorme, ou sur un pronom, c'est naturel. Ce sont des adjectifs. Mais les mots soulignés dans la deuxième colonne donnent une information supplémentaire sur un verbe. On travaille énormément. Ce sont des adverbes. Observez. Généralement, naturellement, obligatoirement, évidemment, énormément. Notez que beaucoup d'adverbes se terminent en « ment ».